En hiver tu portes un bonnet, tu hackardes tes potes. Pour toi t'es le meilleur mais en fait tu n'es qu'une loque. Tu te prends pour un gros bonnet, tu veux contrôler tout. T'as jamais marché dans la merde et tu portes tes bottes. Tu fais le mec fier, tu fais le mec vénère. Tu ne veux que tenir les murs quand tout le monde te ferme les portes. T'as jamais fait de prison, grillons les chiennes. T'es 100% gavri, brisons les chaînes. T'as jamais goûté le bled et tu parles Lingala, Agnelle, Wallahi, Bilaï, Bimbala. Tu chips avec ta bouche comme une meuf baltringue. T'es en bois comme une pince à linge. T'es qui toi? T'es Cartman. T'es qui toi? Ouais, ben t'es Cartman. Ouais, tu sors tout toi du South Park. Ils ont plus d'Ikini quand tu fais pas Superman. T'es qui toi? T'es Cartman. T'es qui toi? Ouais, ben t'es Cartman. Tu sors tout toi du South Park. Ils ont plus d'Ikini quand tu fais pas Superman. Cartman veut être le king de la street. À force de tenir les murs, c'est dur de ne pas imaginer la suite. La prison, c'est pas pour lui, trop malin. Cartman veut s'en sortir haut la main. Il monte des histoires à gauche, à droite. Tout le monde veut le croire, romanesque, c'est bon, ça se tape. Cartman est blond, petit français. Traîne avec des blacks, des arabes un peu foncés. Il sort toujours du poste, il rentre en bois. Et tout le monde mal à VM, il fonce dans le tas. Français, fier de l'être. Petit à petit critique les autres bleds et devient Sistra. Qui toi? T'es Cartman. T'es qui toi? Ouais ben t'es Cartman. Tu sors tout toi de South Park. Ils ont plus des guenilles quand tu joues au Superman. T'es qui toi? T'es Cartman. T'es qui toi? Ouais ben t'es Cartman. Tu sors tout toi de South Park. Ils ont plus des guenilles quand tu joues au Superman. Tu sors de la mosquée, t'as envie de jihad. Avant de le faire avec toi-même, tu veux trancher les autres avec jihad. Apparemment t'es déter, mais t'as lâché des larmes pour Michael Jackson et sa petite fillette. Personne doit percer l'autre. Pense à la mère quand elle perd ses os ou berce les nôtres. C'est pas parce que t'es rebeu que t'es tout. Ferme ta bouche, dis pas tout. Joue pas les placebos. Les patrouilles t'aiment pas dans les comicos. Cesse de faire le comique ou t'es mytho. Même les couilles sont en crise. On brouille sur YouTube et des bagarres au micro. T'es qui toi? T'es Cartman. T'es qui toi? Ouais ben t'es Cartman. Tu sors tout toi du South Park. Ils ont plus d'Ikini quand tu fais pas Superman. T'es qui toi? T'es Cartman. T'es qui toi? Ouais ben t'es Cartman. Tu sors tout toi du South Park. Ils ont plus d'Ikini quand tu fais pas Superman. J'en vous emmerde, je rentre à ma maison. J'en vous emmerde, je rentre à ma maison. J'en vous emmerde, je rentre à ma maison. Papa.